le méga plein air show avec Yves Laroche sur CGIT FM. Fish on! Fish on! Yeah! Eh bien, le méga plein air show cette semaine est en direct de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. On est en compagnie de son directeur, Alec Delage, que vous connaissez bien. C'est un collaborateur régulier du méga plein air show. Alec est un technicien de la faune, c'est un guide de pêche. Et puis, wow, Alec! Ben, regarde Yves, on est bien content de vous recevoir cette semaine à l'Académie. Ça nous fait très chaud au cœur. On s'est parlé souvent, puis c'est la première fois que tu viens voir les jeunes. Je pense que t'as pu voir c'était quoi l'Académie depuis les deux dernières journées. On a cette semaine de 13-15 ans, des jeunes de différents groupes d'âge, et puis on a des jeunes aussi que ça fait plusieurs années qu'ils viennent. Il y en a que ça fait 3 et 4 ans qu'ils viennent au camp. On a des nouveaux aussi mêlés à ce groupe-là, et on a des filles aussi cette semaine. Donc, on a une belle semaine, on a de la belle température, et les deux dernières journées ont été assez productives sur le poisson, même qu'on a pris, on a de la diversité aussi au menu. On a pris de la carpe, on a pris du brochet, on a pris du doré, et quelques autres petites espèces comme de la barbotte. Donc, on a une belle dynamique de groupe, une belle gang, on a 10 jeunes qui sont avec nous autres, puis encore une fois, on est bien content de te recevoir à l'Académie. Écoute, j'ai été surpris. Premièrement, ce matin, j'ai pris la liberté de suivre le groupe qui allait justement pêcher la carpe. Et parce que je connais rien là-dedans. Oui. Je t'en avais déjà parlé. Oui. Le moniteur qui était là, puis son surnom là, d'académie, c'est Salade. Salade, effectivement. De toute façon, on va l'avoir un peu plus tard dans le méga plein air show. Écoute, c'est vraiment là intéressant de voir, premièrement, lorsqu'il a dit aux jeunes, bon, venez, on s'en va au site de pêche. Tu sais, il n'y a personne là, qui a taponné. Tout le monde a pris ses choses. Let's go, on s'en va là-bas. Notre bouteille d'eau, notre veste de flottaison, les chaises, parce qu'on le sait, la pêche à la carpe, c'est une pêche pour les gens très patients. Oui, effectivement. Et là, tu sais, il a tout expliqué comme il faut, de la façon qu'on fait l'amorçage, de préparer les lignes, où lancer les lignes, selon où qu'on était sur le plan d'eau. Et lorsque la première touche est arrivée, à peine après 10 minutes d'attente... Oui. Là, c'était vraiment là, pareil comme si un éclair aurait frappé les jeunes qui étaient présents, parce que là, un gros combat s'est engagé, et puis tous les yeux des jeunes là, étaient totalement illuminés. Et le processus, le combat avec le poisson, la récupération du poisson avec la puise, de mettre le poisson sur un genre de tapis, j'oublie le terme exact. Tapis de réception. Tu sais, puis tout le monde a mis l'épaule à la roue. Ça s'est fait là d'une façon exceptionnelle. On a pris toutes les mêmes précautions pour faire des remises à l'eau parfaites, dignes des plus grands pêcheurs professionnels du Québec, là. Exact. Fait que, normalement, tu sais, je parle pas beaucoup dans une émission de radio. Je laisse beaucoup de place aux invités, mais je voulais partager ce véhicule-là que j'avais eu avec les jeunes là aujourd'hui à l'Académie de pêche. Puis je pense qu'il y a des parents là qui savent pas quoi faire avec leurs enfants l'été, là. Ben, c'est tellement convivial, bien organisé, puis en plus, il y a une entraide vraiment exceptionnelle, tant du côté des moniteurs que du côté des stagiaires comme tel. Moi, je te dis bravo. Ben, je suis très content, je suis même ému d'entendre ça, Yves. Donc, oui, ben regarde, je suis pas tout seul, comme tu as vu là-dedans. Non, non. J'ai l'équipe qui est là aussi. J'ai un bon conseil d'administration, puis les animateurs qui sont là, puis les spécialistes de pêche sont avec moi, qui sont... Encore une fois, cette année, des anciens du camp. Ben oui. T'as pu voir que autant Salade que Rapace, par leur nom de camp, ont la passion, puis ils ont participé au camp pendant plusieurs années, puis maintenant, ils sont capables de livrer l'information à ces jeunes-là qui viennent au camp de pêche année après année. Puis, ben, ce que t'as pu vivre avec la pêche à la carpe, ben, pour nous, la carpe, c'est un peu le style de pêche qui nous permet d'éduquer plein de belles choses, des belles notions de remise à l'eau. C'est un poisson qui se remet relativement bien à l'eau. C'est très, même si, oui, ça peut être long à l'occasion, mais généralement, lorsque les sites, on apporte les sites, donc on va mettre du maïs à certains endroits, quand les sites sont bien préparés, généralement, l'attente n'est pas très longue. Quand ça fait une heure ou une heure et demie qu'on pêche et qu'on n'a pas de touche, ben, tout simplement, on va changer puis on va passer à autre chose. Donc, puis pour ces jeunes-là, de prendre des poissons de quand même de grande taille. Donc, on prend des poissons de plus de 20 livres assez régulièrement. Ben, c'était pas mal ça, là, aujourd'hui. C'est ça. Donc, pour eux autres, de voir des grands poissons comme ça, puis d'avoir dans les mains, de leur toucher, puis de pouvoir remettre à l'eau ce poisson-là selon les règles de l'art, pour eux autres, c'est victoire. Et puis... On est bien content, puis je suis encore très ému de ce que tu as pu me dire et nous dire à l'Académie, puis je suis content que tu aies apprécié ta journée. Ouais. Bon, 8e année de l'Académie, ouais. On est la semaine 2. Ouais. C'est quoi, 5 semaines cette année? Oui, 5 semaines cette année, oui. Bon, explique-nous, là, admettons, là, il y a quelqu'un qui écoute le Méga Plein Air Show, puis il se dit « Wow! » Moi, ici, je veux que mon jeune ou ma jeune vive une expérience comme ça. Là. C'est quoi le processus, premièrement, pour savoir c'est quoi l'Académie, oui. Puis le processus d'inscription, etc. Exact. Donc, à l'Académie, si je fais un petit résumé, l'Académie, c'est un organisme à but non lucratif qui a une mission d'éducation et de sensibilisation de la population générale en lien avec les activités de pêche, de chasse, plein air. Puis, pour amener notre mission à terme, on crée des produits, dont le produit le plus populaire, qui est le camp de vacances spécialisé sur la pêche pour les jeunes de 9 à 15 ans. Ce camp-là, c'est un camp d'une semaine, donc du dimanche jusqu'au vendredi. Les jeunes sont hébergés, sont logés, sont nourris, tout l'équipement de pêche fourni. On va pêcher plusieurs espèces de poissons, le doré, le brochet, la chican, la carpe, la barbue, la barbotte. Donc le lac Saint-Pierre permet cette diversité de poissons-là, permet ce grand monde éducatif relatif à la pêche. Et tout ce qu'on va voir aussi des parties théoriques, donc on veut que ces jeunes-là, oui, prennent du poisson, mais on veut qu'ils comprennent pourquoi qu'ils vont appris ces poissons-là de telle façon. On veut qu'ils connaissent le poisson avant de le pêcher. Fait qu'on a des notions d'éducation à leur transmettre, donc au niveau de la biologie, d'écologie, étude du territoire, identification des espèces, l'anatomie interne, l'anatomie externe, et en plus, ben, comment apprêter, comment fileter notre poisson, pour comment l'apprêter, comment le manger. Donc c'est un peu, en gros, ce qu'on va voir à travers l'Académie, jumelé à des activités d'animation qui se passent comme dans tous les autres camps, mais c'est un camp spécialisé dans le monde des cannes et moulinettes. Mais 8e année. Huitième année. Donc, j'assume qu'on va fêter à un moment donné le 10e anniversaire. Exact. On s'en va pour ça. Alec, peux-tu nous rappeler, au niveau du site Internet, du Facebook, ton numéro de téléphone pour les gens qui veulent avoir justement de l'information pour inscrire leurs enfants à l'Académie de pêche 2016, oui. 9e saison. Oui, donc l'Académie de pêche Lac Saint-Pierre, site Internet, le www.academiedepêche.com. Adresse courriel, c'est academie-pêche@commercialoutlook.com. Et les gens peuvent nous suivre sur Facebook. On est assez actifs sur Facebook. On fait un compte-rendu pendant le camp, même présentement. On fait un compte-rendu tous les soirs pour les parents qui veulent nous suivre. Donc, vous pouvez suivre votre enfant à travers tous les gros poissons et les histoires de pêche. Donc, sur facebook.com/Académie de pêche. Donc, les gens peuvent nous suivre sur Facebook également. Et notre numéro de téléphone pour nous rejoindre en tout temps, le 450-271-6139. 450-271-6139. Donc, j'invite les parents à aller voir notre site Internet puis à regarder c'est quoi l'Académie, puis je pense que c'est bon pour tous les enfants du Québec qui veulent vivre une expérience intense. Merci beaucoup, Alec. Encore une fois, toutes mes félicitations pour cette totale réussite de l'Académie de pêche 2015. Merci Yves. Alors, c'était Alec Delage, le directeur de l'Académie de pêche. Ne quittez pas, parce qu'on a d'autres surprises aujourd'hui à votre méga plein air show dans quelques secondes.